Pour tout besoin électrique, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel, l'entreprise qu'il faut contacter, c'est les Électriciens du Nord de l'Ascension. En affaires depuis plus de 40 ans, les Électriciens du Nord, c'est une équipe d'expérience chevronnée qui répondra à vos besoins. Les Électriciens du Nord, 1ère rue L'Ascension, 418-347-5103. Le propriétaire, M. Ghislain Tremblay et toute son équipe souhaitent bonne chance à l'organisation du carnaval de Saint-Ludger-de-Milo et invitent la population à participer aux différentes activités qui auront lieu en fin de semaine. Un petit bout de temps qu'on n'y a pas parlé, évidemment, on va parler avec notre ami Joe Hardy. C'est la date limite des échanges qui s'approche à grands pas. Hier, le Canadien qui a envoyé Scandella à Saint-Louis. On en parle avec Joe Hardy. Salut, Joe. Hey, salut, jeune homme. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Joe, sais-tu que Canadien Détroit, s'il n'aurait pas gagné contre le Canadien 4 fois, il aurait pas mal la même fiche que l'année des Nordiques de 31 points? Ouais, mais en même temps, là, tu sais, à quelque part, Détroit, je pense, fait longtemps qu'ils ont abandonné. Là, mais, ouais, mais les Nordiques avaient abandonné aussi. Là. Pardon? Les Nordiques, dans les années 90, avaient abandonné. Oh, oui, non, c'est sûr. Là, mais Détroit n'ont pas fait beaucoup de transactions pour arriver où ils sont. Ouais, ouais. À quelque part, eux autres sont vraiment à repartir à zéro. Mais tu sais, j'écoutais les gens le matin pour le gym où que j'étais. Tu sais, les gens, ça se peut pas perdre contre Détroit. Mais tu sais, Boston a perdu contre Détroit aussi. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, ils sont dans la Ligue nationale. Là. Tu peux pas arriver là. C'est dur de se motiver dans ce genre de match-là. Mais en même temps, c'est des matchs que le Canadien ne pouvait pas échapper à ce match-là. Là. Mais non, ben, je ne suis pas échappé. Ils pouvaient échapper parce qu'on s'entend qu'ils ne font pas une série. Là, c'est pas. Non, j'ai parlé à quelques joueurs de hockey qui s'entendent au même gym que moi, des anciens joueurs. Tu sais, les gens ne réalisent pas, c'est ça. C'est drôle, tu me parles de ça là, mais si on en parlait ce matin avec des jeunes, on était peut-être une douzaine de personnes tous ensemble. Tu sais, il faut avoir été dans un vestiaire, ça va être les gars, ils lâcheront pas, là, tu sais. Ouais. Pour deux raisons, les gens oublient que ce soit pour le Canadien ou une équipe qui est en tête, il y en a qui jouent à Saint-Louis, peut-être qu'ils veulent s'en aller de là parce qu'ils trouvent qu'ils jouent pas assez, là. Ouais. Alors, les gars jouent pour une job, là. C'est ouais. La dernière période de transaction, que ce soit le Canadien, Ottawa, Détroit, n'importe qui, tu sais, le gars peut pas bouder, là. Non. Il veut, puis il y en a qui sont... Ils sont écœurés d'être à la même place qu'ils sont parce que le coach ne les fait pas assez jouer. Puis il y a un paquet de raisons. Le problème, par contre, que ça va amener, ça m'est arrivé une fois de jouer dans une équipe qui était pour être éliminée, puis j'avais été échangé finalement dans la Ligue mondiale. Mais c'est que là, quand tu arrives, tu perds un match, un exemple comme hier, tu n'aurais pas dû perdre, puis que tu es dans la course, mais la ligne est mince. Là, là, les chicanes dans le vestiaire commencent souvent. Ouais. Des accrochages. Je prends l'exemple de la game d'hier. Moi, j'ai regardé les buts en reprise. Puis le but de Green, Petrie, t'as fait toute une paire de yeux à Kovalchuk. Là, parce que Kovalchuk, on le sait, depuis le début de sa carrière, il est moins 143 dans les nationales. Ouais, ouais, il veut pas jouer défensif. Fait qu'hier, là, Petrie s'est reviré. Il l'a pas dit. Mais alors ça, quand tu t'en vas vers être éliminé, ça cause des problèmes des accrochages dans le vestiaire. Quand ça part, le gérant doit faire quelques mots, dire, regarde, on va se débarrasser de tel et tel gars. Puis je pense que là, on voit le vrai Kovalchuk. Non, écoute, moi, j'en étais un dessus regarde, je vais faire mon mec coup de pas, là. J'étais un dessus qui était embarqué dans le Ben Wagon de Kovalchuk. J'en étais un dessus qui disait que c'était... Je me suis fait bien rire de moi, mais gars, si on commencerait à prendre toutes les... À prendre toutes les analyses. On donne son opinion, hein? On prend les analyses qu'on voit, là. On donne nos opinions sur ce qu'on voit, puisqu'on est comme... je disais que Kovalchuk, c'était le joueur le plus électrisant depuis Stéphane Richer. Et puis là, forcé d'admettre que là, regarde... Écoute, t'es pas loin d'une comparaison où c'est deux gars qui aiment compter des buts. Ouais. Mais tu sais, Kovalchuk, c'est reconnu deux choses. Moi, quand ils l'ont eu, je sais pas si c'est avec toi, j'en avais parlé. C'est un gars qui a toujours été. On lui a toujours reproché d'être trop longtemps à sa glace. Ouais. Il y a quelques années, quand il a commencé, on en faisait moins de cas. Là, aujourd'hui, les adjoints en arrière du banc, ils ont des time clocks. Puis il y en a un, sa galerie de la presse, qui prend les présences. Puis, tu sais, on y reproche ça. Puis deuxièmement, tu sais, à quelque part, là, quelqu'un qui n'a pas compris que ce gars-là, c'est pas parce qu'il aime Montréal, il veut avoir un contrat. que ce soit où ça voudra. Que... Lui, qu'un Canadien ne fasse pas une série, il n'en a rien à foutre dans sa tête. Là. Ouais. Lui, il veut un nouveau contrat. Mais là, il est en train de perdre... il perd des plumes, là. Il perd des plumes, puis d'après moi, il va récolter moins qu'il pense, Mais le marché est en hausse. Le marché est en hausse, puis regarde... Ben, en hausse, c'est la même chose qu'un matin, quelqu'un disait, tu sais, ils ont payé cher pour Zucker. Ça dépend de qui t'as besoin. Moi, là, exemple, tu vas rire de moi, puis les gens qui t'écoutent vont rire de moi. Entre Zucker puis Tatar, je prends Zucker, parce que Zucker, c'est un grinder. Tatar, là, il a 8 buts sur le power play. Il y en a, quoi, c'est 11 ou 10 en égalité numérique. Tu sais, le jeu de la game de hockey, je joue pas soit 55 minutes à 4 contre 5, là. Ça joue la plupart du temps à égalité numérique. Tatar, il score ses buts sur l'attaque à 5. Fait que ça, là, pis c'est pas un gars qui va... il défonce pas les bandes, hein. Les playoffs dans l'hockey qui s'en vient, l'hockey qui s'en vient les prochaines semaines, ça te prend des gars qui vont en guerre. Zucker, c'est un gars qui va en guerre. Déjà, il y a quoi, 4 buts avec Pittsburgh. Ouais. C'est pas le même style. Il va frapper. Je dis pas que Tatar est pas bon, c'est un bon joueur de hockey, mais c'est pas le genre de joueur. D'ailleurs, la preuve, c'est que Vegas le laissait aller dans les playoffs, il faisait pas jouer. Ouais. Tu sais, il se présentait pas. Alors, tu sais, exemple, moi, je prendrais Domi avant Tatar. Ouais, OK. Parce que Domi, il est plus physique. C'est un gars qui va t'emmener quelque chose, mais là, d'après moi, il veut plus jouer à Montréal, il est déçu. Suzuki a pris sa place, puis, tu sais, le hockey, là, c'est une grosse machine, hein. Ouais. À quelque part, il y a des gars, mais ils peuvent pas tous les échanger, les Canadiens, les joueurs. Puis ils n'ont pas toute la valeur que les gens de Montréal nous disent, là. Tu sais, tout le monde pense que c'est tous des premiers choix qu'on va avoir. Attends un peu, là. Wow. Ben, en tout cas, on peut pas penser. Moi, t'as tort. T'as eu un premier. V'là 2 ans, t'as eu un premier. Détroit. Ouais, puis Vegas. Premier choix, deuxième choix, puis un troisième choix. On s'entend ouais, Vegas a donné des. Ben, parce que Vegas était rempli de choix. Hein? Ouais. Avec l'expansion, là, ils ont, les clubs lui donnaient des choix pour qu'ils prennent des joueurs. Là. Mais des joueurs qu'eux autres ne voulaient pas perdre. Mais en même temps, moi, je suis pas convaincu que demain matin, il y a quelqu'un qui va donner un premier choix. Peut-être tort. Tant mieux s'ils vont chercher ça. Mais j'aimerais ça qu'elle doit voir quel club doit aller chercher ça. Je suis pas sûr que c'est un gars qui fitterait à Boston, exemple. Tu sais, moi, exemple, j'entendais hier soir en fin de soirée sur une station de Toronto. Tu sais, Boston, eux autres seraient prêts à prendre Kovalchuk et Tatar. Tu sais, je sais pas si ils ont pris ça, là, mais les deux gars qui vont pas, c'est pas des guerriers, mais je dis pas. Kovalchuk, là, faut pas oublier que c'est un gros joueur de hockey, là, dans ses bonnes années. Non, c'est pour ça que je disais que, c'est pour ça que je disais que, quelque part, ça, j'ai embarqué dans le Ben Wagon, puis écoute, c'est un gars qui a marqué quand même quoi, 450 buts dans la Ligue nationale? Oh oui, non, mais c'est un super bon joueur de hockey, mais faut que tu le prennes avec ses défauts, puis tu sais, là, ça, faut jamais oublier que les autres équipes, c'est pas toutes des caves non plus, là. Tu sais, Los Angeles, à un moment donné, ils se sont dit, regarde, c'est assez, puis Canadiens, là, à un moment donné, les gens, moi, ils sont à gauche pas à droite, tu l'as entendu toi aussi, il y a un paquet de gens qui disaient, faut leur signer. Allô? Moi, j'en étais un sûr. Si on va amener des jeunes, là, on veut construire des jeunes. Tu sais, c'est pas le temps d'arriver et commencer à regarder un gars. Là, on le voit aller. T'imagines-tu que s'il avait donné tout de suite, quand tout le monde a dit, il faut leur signer tout de suite. Imagine-toi, là. T'es pogné avec plus de 2 ans à 4 millions par année. Là. Puis Bergy, il y a Michel Bergeron qui avait un bon point dans le cas de Kovalchuk, Joe. Puis ça m'avait fait réfléchir. Bergy est bien critiqué par bien du monde, là, sur les médias sociaux, là. Mais il y a un effet que là-dessus, il avait raison. Un gars comme Kovalchuk, quand tu commences, là, ça allait bien parce qu'il jouait 17, 18, 19, 20 minutes par match. Voilà. Puis, et voilà. Puis quelque part, il était de bonne humeur. Là, l'année prochaine, si son temps baisse, comment qu'il va réagir? C'est sûr que c'est pas ça. T'as mis quelque chose de trop, là. Si, ça sera pas si. Mais non, son temps va baisser. Tu sais qu'à Los Angeles, il ne jouait pas 21 minutes par game de moyenne. Puis là, lui, il a dit lui-même, si tu te rappelles à la conférence de presse, que quand ils l'ont pris, c'est qu'il a dit, moi, je suis un gars pour jouer sur le power play. C'est exemple, si Boston le prendrait, il sait très bien que s'il s'en va à Boston, il n'embarquera pas sa première attaque à 5. Non. Tu sais, Bergeron, Marchand et compagnie vont être là. Fait que tu sais, quelque part, là, quelqu'un qui va le prendre, là, c'est à y penser. Puis c'est pour ça que pas sûr qu'on va. Peut-être que Bergevin va plier les genoux, puis quelqu'un va y offrir un 4 et va dire oui, puis il y a peut-être quelqu'un qui va y offrir un 2 aussi. Mais le gars va jouer avec sa job, là, parce que tu donnes un 2, puis le gars, tu le fais pas jouer beaucoup. Ben, c'est ça, là. C'est ça, parce que quelque part, les gens vont-tu Vont-tu se déshabiller pour lui quand il y a à peu près 2 mois, tu avais la chance de l'avoir gratuit? En plus. Mais ça, par contre, il faut faire attention, Danny, c'est que le 2 mois, il ne joue pas, il arrive à Montréal. Ils ont essayé de nous faire croire qu'il aimait Montréal. Mais ce qu'il veut, lui, c'est un contrat. C'est de même, lui, là, rester à Montréal, de la manière que le Canadien est arrangé, là, ça ne l'intéresse pas bien. Il veut produire, puis il veut que quelqu'un le signe pour l'an prochain. Ça sera pas pour 700 000 par année hein, qu'il va demander. Non. Parce que tu sais qu'on se rappelle Markov, là, qui avait fait à croire qu'il y avait 5, son agent, pas lui, mais qui disait qu'il y avait 5-6 clubs qu'il voulait. Mm. Finalement, il n'est pas resté dans la ligue. Tu sais, Kovalchuk, il n'est pas dit que quelqu'un va le vouloir non plus. Là. Non. C'est parce que, justement, quelqu'un me faisait la remarque là, ce matin au club. Tu sais, il y a des gens, qui, c'est un partisan du Canadien, il y a des gens qui pensent que juste à Montréal, qu'il y a des joueurs de disponibles. Il y en a dans la Ligue des bons joueurs de disponibles. Là. Exemple, Martinez qui vient de quitter Los Angeles. Oui, qui s'en va avec les Golden Knights à Las Vegas. Avec Vegas, tu sais, il y a des bons joueurs. Il y en a dans la Ligue qui sont disponibles. On ne les connaît pas tous parce qu'on n'est pas directeur-gérant. Là. Ouais. Il y a des gros noms sur le marché, probablement bien avant Kovalchuk. Mais Kovalchuk, ça va être à la limite. Tu sais, Bergevin, s'il est pogné avec, de toute façon, il n'a pas coûté cher. Là, tu sais. C'est un peu comme Scandella. Tu sais, Scandella, là, c'est une autre preuve que tu sais, c'est décevant. Scandella, là, pourquoi Bergevin l'a échangé, d'après toi? Ben, il était capable d'avoir un choix de deuxième ronde, puis il était joueur autonome, puis... Non, c'est pas parce qu'il était capable d'avoir un choix de deuxième ronde, c'est qu'avant de l'échanger, il a dit, il était prêt à y offrir une prolongation de contrat, il a dit non, je vais tester le marché des joueurs autonomes. Il a dit parfait, il l'a échangé. C'est pour ça que, à un moment donné, en même temps, tu peux pas vider le club pour des choix, là. C'est une autre affaire aussi, parce que là, t'as le droit à 50 joueurs sous contrat avec l'organisation. Ça inclut les joueurs de la Ligue américaine, Joe. Donc, ces choix-là, ils ne joueront pas tous avec les Canadiens. Hein. Non. pas juste Canadiens. Comme à Ottawa, tout le monde dit Ottawa, ils ont plusieurs choix. Puis je ris parce que quand tu étais dans le milieu, on connaît ça un peu. C'est des choix, là. Tu sais, Rutherford, lui, là, dit, moi, j'en ai rien à foutre du premier choix si c'est pas un exceptionnel. Il dit, si c'est un exceptionnel, je le donnerai pas. Si on sait qu'on va repêcher un exceptionnel parmi les 10 meilleurs, mais il dit, à part de ça, là, qui nous dit qu'il va jouer ça de l'an prochain, là? Non. On ne sait même pas si c'est 3-4. C'est la preuve. Canadien, le monde chiale après Timmins, mais qui a repêché McCarron et compagnie. Ben, tu sais, les autres, ils pensaient qu'ils feraient l'équipe, là. Mais il a fait pas l'équipe. Pas parce qu'ils sont caves. Les joueurs, s'ils se trompaient pas, il y aurait 3000 joueurs dans la Ligue nationale. Là. Ouais, mais il y a une question de développement aussi. Là. Il y a une question tellement de développement aussi. Je vais te donner l'exemple de Ryan Pelling. Oui. Ryan Pelling, rappelle-toi l'année passée, Ryan Pelling était considéré comme un joueur de troisième trio en devenir avec les Canadiens. Tout le monde disait que c'était un joueur de troisième trio, mais Ryan Pelling, un an plus tard, est-ce qu'il n'a pas graissé? Pas sûr du tout, mais à Laval, il arrive à Laval, puis à Laval, ça marche pas pendant toute son affaire aussi. Il n'y a même pas un point qui est revenu. J'ai déjà dit, Danny, j'ai passé par là, puis, tu sais, là, je regarde Kotkaniemi, il n'y a pas un goal, mais tu sais, ça veut rien dire. Faut faire attention, là. Quand tu t'en vas dans les mineurs, puis j'ai coaché dans la Ligue américaine, puis j'ai joué dans la Ligue américaine aussi, c'est quand tu t'en vas dans les mineurs, tu t'en vas là pour travailler certaines choses. Ils ne regarderont pas si tu as scoré 71 goals. Il y a des gars, regarde, là, Pacioretty, quand il était envoyé dans la Ligue américaine, au début, il marchait pas fort, là. Il a été rappelé parce que, à Montréal, parce qu'il voyait en lui quelque chose, quelqu'un qui pouvait scorer des buts. Mais il n'a pas été envoyé à Daminant puis dire, il va défoncer la Ligue. Puis t'es pas obligé de défoncer la Ligue américaine. C'est le développement qu'ils veulent faire avec, améliorer ses replis défensifs, finir ses mises en échec. C'est ce qu'on regarde. C'est pour ça que, toi, puis moi, puis bien du monde, on peut pas évaluer, à moins d'aller au match de l'équipe école du Canadien, on peut pas évaluer si les gars ont avancé ou pas. C'est pas parce que Kotkaniemi a 0 but, ça passe, que c'est pas amélioré. C'est peut-être amélioré ses mises en jeu, peut-être amélioré ses fins de mise en échec. C'est ça qu'il faut regarder. Tu sais, je regardais le jeune défenseur, là, qui est là, qui ont cédé, là, que tout le monde a dit, ça n'a pas de bon sens. Il est moins 8. Hein, pardon? Kyle Fleury. Jay Fleury, c'est le seul nom que je cherchais. Il est moins, je regardais ses stats ce matin. Kotkaniemi, la dernière fois que j'ai vu, il était d'un mois aussi. Là. Ah, ben, c'est ça que j'allais dire. Là. Fleury, Kotkaniemi, Pelling, il était d'un mois à Montréal, ils s'en vont là-bas, ils sont d'un mois. Fait que ça, là, c'est des choses à travailler. Alors là, il arrive des bonnes choses pour eux autres, c'est que le Canadien, présentement, ils n'ont pas le temps de regarder des jeunes dans la grosse ligue. ils laissent les mineurs Bouchard travailler avec eux autres. Puis ça, on va avoir la réponse l'an prochain. Tu sais, je parlais des pistoles de la Ligue nationale il n'y a pas longtemps. Que ce soit à Montréal ou ailleurs, un joueur apporte des exceptionnels. C'est les mecs David et compagnie. Mm. On prend un Suzuki. Il n'est pas dit que Suzuki, l'an prochain, va être le premier joueur ou deuxième joueur de centre. Là. Mm. On ne sait pas ce qui va arriver. Tu sais, le futur, on ne le connaît pas. Personne ne le connaît. Il y a des gars... Kotkaniemi peut arriver au camp d'entraînement l'an prochain et connaître un camp extraordinaire. Puis d'un coup, tu dis, hey, c'est amélioré, le kid. Ben oui. Tu sais, on ne sait pas. Pauling, mais il score des buts à la fin de la saison, il marque 3 buts. Puis là, il n'est pas capable de compter des buts. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'améliorera pas les choses qu'ils veulent qu'il améliore. Moi, Pauling, je pense avoir fait un bon joueur de hockey, mais il n'est pas tout à fait prêt. Puis, tu sais, c'est pas un... Ben moi, je ne suis pas sûr, moi, que son match de 3 buts, ça n'y a pas rentré dans la tête. Bon, c'est sûr que ça y est rentré un peu dans la tête, n'importe qui, hein. Quand t'arrives, tu fais un match de 3 buts, ton premier match dans la Ligue nationale, tu penses que la Ligue est faite. Mais tu sais, en parlant, j'ai dit, peut-être que Denis va me parler de Suzuki. Je regarde encore hier. Non, mais à quelque part, là, moi, j'ai jamais dit qu'il était pas bon joueur de hockey. D'ailleurs, je parlais à quelqu'un ici à Québec. J'ai dit qu'il fera pas la Ligue nationale s'il joue comme il joue là. Julien a dit, s'il s'implique pas plus, il peut pas jouer, là. Encore hier, je sais pas si Julien l'aime pas, là, mais il a dit, il a coûté cher, Suzuki, hier. Il a coûté le but vainqueur, là. Il a échappé son homme, puis il s'est fait enlever à Poc à 2 pieds de la ligne bleue. Mais ça, c'est des choses qu'il va apprendre, là. Ben oui, il y a 20 ans, il faut quand même pas... Il a une bonne tête, il a une bonne tête de hockey, mais en même temps... Les gens, là, tu sais, quand tu regardes toutes les émissions qu'il y a de télévision puis les lignes ouvertes de radio, c'est que là, ils sont déjà en train de faire l'équipe l'année prochaine, puis là, c'est tel gars va être là, puis non, attends un peu, on va attendre le camp d'entraînement, là. Attendre de voir ce que le gars va faire. J'ai tellement hâte de voir aussi ce qui va arriver, parce que moi, là, je peux pas craindre, moi, ce qui s'est passé à Laval, je peux pas craindre, moi, qu'en 8 ans, ça fait 8 ans, là, que Bergevin est là, une participation en 8 ans de son club ferme, une participation en 5 ans du Canadien en série. Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas des têtes qui vont rouler. S'il n'y a pas des têtes qui roulent, là... Je ris quand tu me dis ça, parce que maintenant, au club, on a fini la conversation, parce qu'il y a deux gars là-dedans qui s'en allaient en vacances dans le sud, puis on dit, mais quand on vient, il va y avoir des gros changements. Puis il y a 2-3 gars qui ont dit... Puis d'ailleurs, Bossy l'avait dit à la TV, lui-là, je l'ai entendu l'autre soir. Il dit, au mois d'octobre, ils vont avoir le même alignement qui ont à Détroit à soir en parlant du match d'hier. Je ne parle pas de l'alignement, je te parle, moi, de la direction. Ah non, mais la direction, non, arrête ça, là. C'est bien que Bergevin ne sera pas tassé, là. Il y a un trio qui est là, entre Bergevin, Timmins, puis Molson, je ne sais pas ce qui est ici ensemble, là, mais... Ben, si ça ne marche pas, là, s'il n'y a aucun changement, là, il va falloir se poser des questions sur Jeff Molson. Ben, moi, ça fait longtemps que je m'en pose, puis deuxièmement... Ce qui est malheureux, parce que moi, j'aime pas voir les coachs par le job, ce qui est malheureux, c'est que je serais pas surpris que Julien se fasse tasser. Là. Ben, c'est sûr qu'il va se tasser. C'est peut-être lui qui va payer. Ouais, c'est ça. Puis, si lui va payer, d'abord, un entraîneur, Joe, t'es déjà entraîneur, tu sais très bien qu'un entraîneur, t'es engagé pour être congédié. Ça j'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec ça, sauf que une participation, je reviens toujours à le dire, une participation de son club ferme en 8 ans aux séries éliminatoires. Une participation en 5 ans, à un moment donné, c'est pas une question de l'entraîneur. Il n'y a rien qui dit qu'il va être là l'an prochain non plus. C'est pas une question de développement non plus. Là. À quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisation, je ne sais pas c'est quoi. C'est exemple, ils ont engagé Julien. Ils ont été vite. Tu sais, Julien, là, il était à Boston, là, il s'enlignait pour une autre saison, à pas faire les séries, pour une troisième année consécutive. Là. Tu sais, à quelque part, ben, tu l'engages, OK, il y a un des bons... Là, à Montréal, de ce que j'ai entendu ce midi, c'est que là, ça brosse. Gérard Gallant. Mais Gérard Gallant, peut faire quoi, là? Tu sais, je veux dire, c'est pas une question juste de coach, là. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses que le coach, là. Tu sais, quelque part, là, ça se peut pas, là. Tu sais, apparemment, Price est intouchable, tu peux pas y parler. Il était pas capable de garder 2 matchs en 2 soirs au mois de novembre. Puis là, ils font garder 2 matchs en 2 soirs. Quand la saison est quasiment finie, tout le monde est fatigué. Veux-tu te dire, c'est le gros problème, à mon avis, de Bergevin? Non. C'est qu'il fait de très, très bonnes échanges. Son gros problème, c'est qu'il surévalue son équipe. Il tombe en amour avec ses joueurs. Quand tu tombes en amour avec tes joueurs, tu ne fais pas les changements qui s'imposent, alors que les autres équipes, eux, les font, puis tu te fais dépasser. Ah non, c'est sûr là, qu'il est en amour. Pour les, tout le monde fait ça. Hein. Je ouais. regarde, à Boston. Là, on peut dire ce qu'on voudra. Là, son poignet de Chara, là, ils ne pourront pas l'échanger à 48 ans. Là, il y a 43 ans, ils sont prêts à l'échanger. S'il l'avait changé il y a une couple d'années, ça serait fait dans un club de hockey. Le plus bel exemple, c'est les Leafs de Toronto quand ils ont eu Matt Sundin. Ils voulaient l'échanger, ils ont refusé l'échange. Ça serait fait un club de hockey avec ça. Ça les a retardés de 2-3 ans. C'est quand le gars est rendu au bout du rouleau, ou à peu près, là, c'est assez. Là, t'sais, moi, je prends l'exemple de Domi. Là. Domi, on le regarde aller, le gars, là, d'après moi, il ne veut plus jouer à Montréal. Là. Il est enragé. Ils n'ont pas redonné un nouveau contrat suite à son année de l'année dernière. Là, il y a un kid qui a pris sa job en avant de lui au centre. Là, il n'est pas content. Lui, il va forcer pour être... Il serait content d'être échangé demain matin, je suis certain. Certain de ça. J'ai bien hâte de voir ce qu'il... Il n'est pas le seul, de toute façon. Tu sais, le hockey, là, je me rappelle, je faisais de la radio à plein temps, où le monde appelait de Ah, moi, M. Sardi, 1 million par année, mais je ne dirais pas un mot, même si je joue sur le banc. Non, non. Ça le dit, tu es un joueur de hockey, tu veux jouer. Il n'y a pas personne qui aime jouer sur le banc, là. J'ai envie, là. Fait que les gars veulent jouer. Puis ces gars-là, 1 million, c'est parce que c'est pas la même réalité, c'est pas le même monde, Joe. C'est pas la même réalité. Là. C'est ce que les gens comprennent pas. La bouteille de vin, à 20$ que tu te payes, eux autres, c'est 1000, puis 1500, puis 2000$ la bouteille. C'est ça, exact. C'est des gars qui font de gros argent maintenant, aujourd'hui, là. Mais en même temps, là, tu sais, à quelque part, faut que tu grondes. À Montréal, ben, ça gronde, là, tu sais, la défaite d'hier. Moi, ça me fait rire parce que. C'est comme si Détroit, là, ils n'ont pas le droit de gagner. T'sais. Ils sont dans la Ligue nationale, là, ils ont battu Boston, ils peuvent battre Montréal. Mais moi, je le trouve drôle pareil. Non. Je trouve ça drôle, là, je m'amuse. Hein, je trouve ça drôle parce que c'est vraiment pas drôle. En toute honnêteté, là, deux séries de 8 défaites. Là, il y en a une série, c'est quoi, 5 ou 4? 4. Demain 5 à Washington. Non, ça c'est pas sûr. Parce que Washington, là, tu vois arriver à Montréal, tu dis, hey, regarde, là, on n'a pas besoin de forcer trop fort avec eux autres, mais c'est pas de même que ça marche. Là. Tu sais qu'il va falloir qu'ils fassent parce que le Canadien, comme je t'ai dit, là, la raison majeure pourquoi les gars ne lâchent pas au moment où on se parle. La journée que ça va être éliminé, puis ils n'auront pas été échangés, tu vois que les gars vont sortir le parachute, puis pas à peu près. Ouais. Mais là, il y a des gars qui jouent pour être échangés au pire aller. C'est même pas pour faire des séries, le gars veut montrer qu'il y a encore du gaz dans la tank. Là. Ouais. Mais à quelque part, tu sais, à un moment donné, il y a une cloche qui va sonner pour dire les gars, terminé, ils n'ont pas de chance. Ouais. Joe, là, merci. C'est moi qui te remercie, Danny. On s'en reparle dans 2 heures. Dans la semaine, un mois, on t'écoute à Radio X pour les gens de Québec, radiox.com, Radio X le samedi matin avec Robbie Moreau. Ah oui. All right, jeune homme. Joe Hardy, notre collaborateur. Merci. Salut.